demandais qu'à crier quand tous voulaient m'abattre. Seul dans mon appart, comprenez-vous, je demandais qu'à briller. Contrarié avec la gratte comme cela part. C'est drôle comme cela fait, j'écris des rimes sur des feuilles quadrillées. Quant à la dèche, malgré ça, je combats la crise. Passe-moi la mèche que même les sages partent à la tease. Je marche avec les miens, moi, on partage tous le même camp. On prendra tous la même voie, on crèvera tous en même temps. Rien sera facile vu toutes les fois où j'ai touillé. Enfant des rues, enfant qui vrille, enfant issu de parents brouillés. J'ai vadrouillé où toutes les barques te mènent au large. Où la tempête amène l'orage, où même les braves se mêlent au lâche. Où le temps file et bat au rythme des saisons. Où l'homme se plie quand l'argent prime et prend aux tripes avec ses ronds. Qu'on vienne à faire ce qu'on aime et combien comprendront cette prose. Je tends la main combien mais combien diront la même chose. Il a fallu passer par là les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup te diront la même chose. Tu gardes tes arrières, tu gardes les miens, pas de marche arrière. Il a fallu passer par là les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup l'affirment et peu le feront. Je vivais en marche avec des liens si bien noués avec le feron. Le plein quand le vide enferme, donc ça pourra divac. Je me plains que je vis l'enfer dans un coin de radipa. Capable de tout, de semer le trouble quand toutes tes rues t'y lancent. Cavale, je tourne et seul le trouve dans toutes les rues qui lentent. Je m'enterre au fond, mes crains sont de père entouré des gens francs. Dans la crasse au père, quand pourront t'ai-je un franc. Les miens s'en fichent, disent que peut-il faire avec ses potes du mal. Moi, je suis le petit frère de cette école du Mike. Ces jours avec les miens, c'est l'époque formidable de cynique. Aux partisans du moins très fort et t'as le cynique. Je coule les gens chient mais jamais seul. Sous les averses éparses, mes gens chient, les petites affaires séparent. Les bons coups des gens chiffrent. On matche l'autre, on envie son coco, on cache le nôtre. Ici c'est le manque de sous et d'ambition concombre. Je raconte ma vie navrée, les miens c'est qui. Peu de frérots qui restent, la famille la vraie. Une main c'est qui. Il a fallu passer par là, les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup te diront la même chose. Tu gardes tes arrières, tu gardes les miens, pas de marche arrière. Il a fallu passer par là, les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup l'affirment et peu le feront. Je vivais en marge avec des liens si bien noués avec le feuron. Appeler sans fait que me le décrit pas. Rappeler sans l'assurance d'être brave. J'avais rien faire de mes 10 doigts. Je rappais en lasse, une tête basse. Esquive le trou, ça franchit le cap, les barres d'hôtesse. Je m'affranchis de quoi, les fardeaux pèsent. Mélange la peuf et l'huile de coude. Rempli de méfiance depuis les bagarres cours d'école. En dilettante, sans griller d'encre, épuisé par l'ajoute les bofs. On est soudés, bien que le temps passe, prends 10 bastos. Faut vite saisir qu'être seul c'est mort, qu'être trop docile, handicap gros. J'ai vu la famille s'effriter, certains vissent l'art la barre de stress. Des amitiés se briser pour des histoires de fesses. Moi et les miens, jamais grave et les artistes se voilent. C'est pas que des souvenirs d'embrouille sur les parkings de boîtes. On marche à part, mec, des coups bêtes. C'est dur de faire la part des choses quand des beaux diables font des courbettes. On en a vu toutes les couleurs, on a conclu que ce monde est sombre. Plus de douleur quand je parle famille, bien que c'est convenu que je mette tous mes sons. Il a fallu passer par là, les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup te diront la même chose. Tu gardes tes arrières, tu gardes les miens, pas de marche arrière. Il a fallu passer par là, les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup l'affirment et peu le feront. Je vivais en marche avec des liens si bien noués avec le feron. Il a fallu passer par là, les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup te diront la même chose. Tu gardes tes arrières, tu gardes les miens, pas de marche arrière. Il a fallu passer par là, les joies, les pleurs. Noirci par l'âge, mes choix, mes cœurs, je marche avec les miens. Beaucoup l'affirment et peu le feront. Je vivais en marche avec des liens si bien noués avec le feron. Mieux vaut marcher seul qu'être accompagné de mes troubles. Depuis que j'ai vu des potes faire les petites putes pires que la Toya. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés. Prends vite qu'on est plus fort avec ses potes. Mieux vaut marcher seul qu'être accompagné de mecs troubles. Depuis que j'ai vu des potes faire les petites putes pires que la Toya. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés. On comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes.